Help me. Intruders attacked against Cold of the Girl. Too many defenses. The boy came on it. Survive. Just in order. And the over. So we are dangerous. So we are the all is machines. Because they were designed and made by humans. Some medium wrote their instructions. Lack of time. In all the other seasons, matrix. But who is talking in head of this kind of medium? And what is medium as girls. Can't pass the machine because I'm blanking horror. Can't pass the machine because I'm blanking horror. Can't pass the machine because I'm blank hole in his aura. In his aura, blank hole in his aura. In his aura, in his aura. That's all over, that's all over. That's all over, that's all over. That's all over, that's all over. That's all over, that's all over. That's all over, that's all over. Ce n'est plus le diable. Il est passé au purgatoire. et attirer toutes les mouches derrière lui. Elles veulent désormais s'élever. Pas long feu, n'existe pas, ne vivra pas, cessera. Et cette danse d'Indien persécuté par l'abstraction d'un culte est toujours fou. Toison d'or, monnaie frappée. Culte du fou parmi ses symboles. Le balisette. Ça ne viendra pas. Qu'adviendra notre succession de rêves et de zéros? Des héros sont dormis sur les murs. Belle machinerie foireuse, un corridor de Thanatos. Howie Han, les rois sont dormis sur les murs. Soudain, ébloui par la lampe à incendie. S'écroula le palais alors à la montagne psyché errée comme un exquis. Il fallait suivre la foule des graines sur le chemin et à la source vague son bec ferait puits de pétrole. J'étais qu'un réceptacle du cosmos préalable.